bien, merci. Soyez tous à lui, que Tetamwanga vous bénisse, l'être suprême. Je n'ai invité personne, mais je constate que certaines personnes qui reçoivent les alertes sont ici. Merci. Nous allons passer ces quelques moments donc ensemble et j'apprécie de votre présence. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Je tiens à remercier ici l'arrière-petit-fils du roi Makoko, qui est un griot, artiste, prêtre, mystique, également grand connaisseur des grandes arcanes secrètes. C'est donc lui qui m'a autorisé de faire passer cette petite mélodie qu'il a lui-même travaillée dans son studio. Il est l'auteur, compositeur, producteur. Merci encore donc à mon frère David. Merci beaucoup. Et effectivement, comme je disais, je n'ai averti personne. Aujourd'hui, donc, j'ai décidé de pouvoir parler de deux sujets, disons un sujet qui est sous deux. Ce thème va avoir en fait deux variantes, mais qui. Deux inconnus. Un thème qui est sous deux inconnus, c'est-à-dire que le thème principal, en fait, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai écrit sur le titre, mais je crois qu'il va être probablement rectifié. En fait, c'est. Pourquoi faut-il se battre afin que les énergies égrégoriques ne puissent pas nous prendre le dessus? Malheureusement, c'est le cas. Et comment devons-nous prier pour cette humanité qui, malheureusement, est beaucoup plus centrée vers le mal, enclin vers le mal, enclin dans le mal? Que devons-nous donc faire? C'est autant de questions qui me sont venues à l'esprit. Comme toujours, je ne me prépare pas. C'est suite à une longue méditation. Et tout d'abord, hier, pour ne pas dire ce matin, sur le forum, il y a un jeune homme qui a posé une question. Et la question était fondamentale. C'est par rapport à l'expérience que ou les expériences que nous faisons lorsque nous rentrons dans des initiations quelconques. Et quand nous rentrons dans ces initiations-là, en fait, quatre questions fondamentales ont été posées. Premièrement, l'une des questions, si je me rappelle bien, en réalité, qu'est-ce que nous allons chercher? C'est-à-dire, est-ce que nous recevons des cadeaux? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on va dans l'initiation pour aller recevoir quelque chose en retour? Et je crois, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner, s'il vous plaît. Rentrez dans le forum, vous trouverez. Parce que la majorité hein, des membres qui sont sur le forum sont tombés tous d'accord que c'est une question qui méritait d'être examinée. Et donc, j'ai répondu à cette question fondamentale sous quatre angles bien précis. Donc, quand je suis rentré dans mes méditations, je suis revenu sur le point suivant. En fait, quand vous rentrez dans l'initiation, j'ai déjà donné un enseignement, en fait. Pourquoi vous vous initiez? Est-ce que vous vous initiez, c'est pour aller chercher un pouvoir? Est-ce que vous vous initiez, c'est pour devenir riche? Je réponds à cette question ici. Mais ce soir, là n'est pas la question. La question est de mettre beaucoup plus sur l'accent de cette initiation. En fait, faut-il encore que je revienne toujours sur cette définition du mot l'initié? Puisque je m'adresse à une audience purement africaine, je me contenterai toujours d'utiliser ce mot d'initié. Mais chez les Occidentaux, chez nos frères blancs, le mot initié peut-être n'est pas le mieux placé. Je dirais plutôt ceci, que nous, en tant que gardiens des rites traditionnels, gardiens ou adorateurs de la religion originale, si vous voulez que je m'exprime ainsi. Quelqu'un m'a posé la question, mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est la religion? Je donne encore des enseignements bien explicites ici. Que pour nous, nous ne croyons pas à une religion, mais nous croyons plutôt à la véritable science. Car la manière ou la façon à laquelle l'homme noir rentre en communion avec l'univers, rentre en communion à s'harmoniser avec cet univers à travers tout ce qu'il fait, c'est-à-dire maîtriser la matière, maîtriser les forces, maîtriser l'électricité, maîtriser la technologie, tout cela va de la science concrète. Mais au-delà de cette science, il y a d'autres sciences qui sont associées. C'est la science qu'on appelle la science de l'inconnu, donc dans le monde métaphysique. Donc nous, en tant que Noirs africains, nous pensons que la véritable religion originale, c'est-à-dire le véritable moyen de connexion avec toutes les forces cosmiques invisibles, car à un certain niveau de compréhension, tout ce que nous appelons Dieu, ce sont des grandes forces cosmiques, c'est les grandes intelligences qui, loin de penser que nous ne croyons pas l'existence d'un être supra-intelligent, que les hommes ont chosifié, mais nous croyons que la marche de l'histoire de l'homme, la marche de tout ce qui vibre à travers les quatre éléments, air, feu, eau, terre, et de tous les règnes que l'on puisse connaître, partant du règne minéral jusqu'au règne divin, c'est-à-dire nous pensons et nous sommes convaincus, c'est pas que nous pensons. Nous savons, nous croyons et nous vivons, certains d'entre nous qui avons atteint certains degrés, tels que votre serviteur, je sais et je les vois quand je vais dans le monde de l'au-delà. Par exemple, ce week-end, généralement quand la lune est en position descendante, je profite de beaucoup faire des voyages dans le monde tridimensionnel. Donc la question fondamentale est de savoir pourquoi il faut mettre l'accent sur l'amour. Comment on peut donc neutraliser les forces égrégoriques religieuses? Parce que là, je suis précis, hein. Il s'agit de pouvoir neutraliser les forces égrégoriques religieuses. Donc au cours de mon intervention ici, je vais vous amener des éléments scientifiques. Que vous pouvez vérifier vous-même qu'en réalité, il y en a, c'est un grave danger que nous avons car tout notre univers, dont je pourrais dire notre système galactique, donc notre système galactique veut dire que de toutes les 12 planètes là, parce qu'il y en a des milliers, hein, je vous informe, il y a des milliers des univers, mais dans notre univers dans lequel nous gravitons, là où l'homme est maître, des univers, d'abord maître de son propre univers, Il y a un constat amer, c'est que nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire et votre humble serviteur et d'autres maîtres initiés, d'autres connaisseurs des sciences occultes, des sciences des grands mystères, nous avons constaté que le monde éthérique, donc la planète Terre, le corps éthérique de la planète Terre est tellement envahi par des forces égrégoriques religieuses. Qu'est-ce que c'est une force égrégorique religieuse? C'est tout simplement partir de la base pour faire comprendre que Dieu n'existe pas dans la religion. D'accord? Celui que nous appelons Dieu, c'est la création humaine. Je dis bien celui que les humains appellent dans leur entendement Dieu. Mais nous, en tant qu'initiés, nous ne croyons pas à ce Dieu qui est adoré dans des religions fabriquées par l'homme. Mais nous croyons plutôt à, si vous voulez, retenons toujours le même nom, l'être suprême, l'être intelligent, l'être fondamental, l'énergie fondamentale créatrice de tout ce qui existe, origine des énergies et origine de l'énergie fondamentale. L'homme, nous nous croyons en celui-là, à cette intelligence, sous une force, une forme tout à fait différente. Nous pensons que toutes les cellules de notre corps, nous pensons que tout ce qui est autour de nous, nous pensons que partant des quatre éléments de la nature, c'est-à-dire que je venais de citer, à partir de l'élément eau, nous pensons que cet élément eau détient des pouvoirs électriques, des pouvoirs mystiques, des pouvoirs spirituels, des pouvoirs physiques. Voilà pourquoi nous préconisons dans nos initiations des techniques de pouvoir se remplir des forces subtiles qui se cachent derrière l'élément eau. Donc vous voyez que je ne vais pas m'arrêter là. Nous partons sur l'élément, par exemple, feu. L'élément feu est symbolisé par le soleil. Et nous avons également des techniques initiatiques que nos ancêtres nous ont laissées et lesquelles techniques je mets à la disposition du public ici même, dans ma chaîne. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez rentrer dans les forums, vous trouverez cette technique où je montre aux gens comment justement ils peuvent non seulement apprécier l'élément feu à travers le soleil, comprendre qu'est-ce que c'est le soleil. Dans nos sociétés traditionnelles anciennes, nous avons appris ce que c'est le soleil. On ne nous a pas appris que le soleil, c'est Dieu. Non. C'est sous une autre forme que c'est une manifestation de la divinité supérieure. C'est une manifestation de la grande force cosmique, multi-universelle. D'accord? Et dans cette multi-universalité, il y a diverses manifestations de cette grande intelligence, mais que les hommes, toujours une fois de plus, appellent Dieu. Nous allons accepter donc cette appellation du commun des mortels pour que nous soyons tous sur la même page. Car je m'adresse ici sûrement à une audience qui a peut-être une appréhension de Dieu à un niveau un peu plus bas. Par contre, si j'avais affaire à des gens qui sont des intellectuels spirituels, ce sera une autre compréhension. Mais là, on n'en est pas les propos de ce soir. Ce soir, c'est juste pour vous faire comprendre ceci. Nous avons en face de nous un grand danger. Le danger est que notre corps éthérique, c'est-à-dire notre planète Terre a un corps qu'on appelle le corps éthérique, qui est le reflet. Malheureusement, le reflet de tout ce que les hommes remuent, de tout ce que les hommes pensent, de tout ce que les hommes font, tout cela a été canalisé par les forces égrégoriques religieuses. J'explique ici ce qu'on appelle une force égrégorique religieuse, mais faut-il encore que je me le répète pour les nouveaux qui me suivent pour la première fois? Une force égrégorique religieuse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute religion qui commence par une secte est toujours organisée par un groupe d'individus. Il y a un qui était sûrement le leader, qui a eu sûrement l'idée. Un beau matin, il décide d'ouvrir sa chaîne comme je le fais, ou bien il commence à écrire ses histoires. Il écrit ça dans un parchemin. Et puis, il y a des gens qui sont des admirateurs, qui gravitent autour de lui ou autour d'elle et lui disent, mais tiens, je pense que c'est une bonne idée, nous devons donc créer quelque chose. Nous allons créer une structure. Comme j'ai d'ailleurs été sollicité, ça m'a fait un peu rigoler parce que là, ce n'est pas maintenant mon intention. Des gens qui m'ont dit, non, maître, avec toutes les connaissances que vous avez, nous pensons qu'il serait temps de pouvoir ouvrir et de créer une loge. Oh, tiens, c'est pas mauvais. Donc, la religion est partie de là. C'est ainsi que je partis du concept, par exemple, du bouddhisme. On est parti de Bouddha. On est parti de ce jeune prince qui serait né de deux individus. L'un s'appelait Devika, l'autre s'appelait Krishna. Ils vont faire un enfant. Et cet enfant va être confié auprès des Anakosher. Les Anakosher existent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont des grands maîtres, on les appelle plutôt des moines. Ce sont des mecs qui vivent que des méditations dans les montagnes. Donc, cet enfant a été confié à ce dernier. Et cet enfant, quand il grandit, découvre qu'il n'a pas de père et n'a pas de mère. Et puis, il se retrouve donc auprès, dans le palais du roi. Bref, une histoire similaire à celle de finalement de notre parent Horus, lequel qui est né d'Isis et d'Osiris. Là encore, on rentre carrément en Égypte, car c'est la plus vieille histoire. Bien sûr, il y a eu d'autres vieilles histoires qui ont commencé à Mars, il y a de cela 1 200 000 ans, et il y a de cela 600 000 ans, des histoires qui se sont passées au Tibet. Mais celle de l'Égypte nous amène simplement à près de 40 000 ans. Bref, quand donc nous rentrons dans cette compréhension, il n'y a que mythe, mythe, mythe, mythe. C'est-à-dire chacun interprète et fabrique à sa façon sa religion. À quelle religion, en fait, elle est fondée sur soit des mythes, donc la plupart, c'est des religions mythologiques, et ou encore des histoires qui ont vécu réellement. Voyez-vous? Mais tout est parti de l'Égypte, pour votre information. De cette Égypte, donc, nous avons eu le dieu Mazda. De cette Égypte, donc, nous avons eu le dieu Zeus, dans la culture gréco-romaine. Hein? Parce que après le méli-mélo qu'il y a eu, il ne faut pas l'oublier que le premier pharaon que nous avons retrouvé en Égypte, qui s'appelait Ptolémée Soter, était blanc. Il était grec. Donc, cette confusion, bien sûr, ça va entraîner la conscience collective de l'homme noir à s'emporter dans les doutes et à accepter savamment et ignoramment les religions importées. Donc, la religion, donc, part du fait qu'il y a eu des créateurs, il y a eu des fondateurs de ces mouvements religieux qui sont fondés soit sur des mythes, soit sur des histoires réelles. Et même, pour le cas du christianisme, par exemple, ils ont créé leur histoire à partir de l'an 325 de notre ère. Ils étaient au départ seulement une affaire de 1700 personnes. Nous parlons de l'an 325, 1700 personnes. Après, ils se sont retrouvés 2 siècles plus tard, ils sont tombés à des dizaines de milliers. Et de ces dizaines de milliers, avec la papauté qui a vu le jour, avec la multiplication de l'Église catholique qui a roulé le monde, en fait, quand je dis rouler, pardonnez-moi, je parle de l'anglais au français, c'est-à-dire qui a dirigé, to rule, dirigé. Diriger donc le monde politique, le monde scientifique et religieux, c'est l'Église catholique. Et c'est ainsi que jusqu'à aujourd'hui, cette Église a gardé un grand pouvoir. Mais en réalité, sur quoi se posent les dogmes de l'Église catholique? Pour certains dogmes, ça se pose purement et simplement sur des personnages fabriqués, connus ou inconnus. C'est ça la vérité. Ils ont fabriqué un certain Jésus, et ça tout le monde le sait, que le Jésus qu'on parle là, qu'on nous montre qui est blanc, même le pape actuel le reconnaît que ce n'est pas celui-là. Bref, je ne vais pas vous amener dans l'historicité car j'ai plein de frères qui sont des historiens, qui sont des égyptologues, qui sont qualifiés et mieux placés pour venir vous donner cet argumentaire assez puissant. Et moi-même, bien sûr, dans mes propres pèlerinages, comment dirais-je, mon propre pèlerinage mystico-spirituel, j'ai voyagé, je suis allé en Israël, je suis allé en Égypte, et également dans l'espace et le temps. Et de par mes initiations que j'ai reçues, j'ai eu certaines révélations qui me permettent avec force et avec foi, et avec toute honnêteté et vérité, pour vous dire que ce Jésus-là, ce n'est pas le Jésus qui était originalement noir. En réalité, ce qu'on nous montre, le Jésus blanc n'a jamais existé. Et que c'est une histoire qui a été copiée à partir de Horus, notre frère, qui était égyptien, noir, bien sûr. Bref, la religion donc a eu son succès. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, quand la religion donc s'implante, nous savons ce que cela a entraîné. Il y a eu ce qu'on appelle en anglais des crusades. Il y a eu donc des guerres. Et la plus récente, c'est celle du 15e, 16e siècle. La guerre entre l'Église catholique, donc je parle de l'Irlande du Nord. En Irlande du Nord, effectivement, ce fut la catastrophe. Une guerre sans fin. Et c'est ce qui donna l'idée à quelques anglophones et quelques Anglais et quelques Irlandais de venir vers les États-Unis d'Amérique. On les appela les pèlerins. Les pèlerins, ou les pèlerins, je ne sais pas quel est le mot en français. But in English, we call them the pilgrims. Ils sont arrivés ici, et ils ont dit, voilà, c'est leur territoire. Moi, je vous amène dans la colonisation des côtes américaines. Pourquoi? Parce que comme quoi, ils étaient persécutés. Ils étaient persécutés, ben, justement à cause de cette grande guerre qui a opposé l'Église catholique et l'Église gauchiste, je ne sais pas moi. Ceci se passe en Angleterre. Hein. Je vous amène donc vers le 15e siècle. C'est une histoire vraie, vous pouvez vérifier dans les archives. La religion, donc, a fait couler le sang. Car religion, pour la définition, c'est moyen de chercher à se relier à Dieu. Mais ils cherchent à se connecter à Dieu de manière tout à fait brutale, pas des recrutements qui sont sanguinaires. On verse le sang, on coupe les têtes des gens. La guerre des croisades, voilà, c'est le mot crusade in English, croisade en français. Pardonnez-moi, l'anglais devenant la première langue, cette langue devient lourde pour moi en français. Donc la guerre des croisades, elle est présente. La guerre de l'inquisition, elle apparaît. La guerre donc de l'imposition de l'islam au 7e siècle par Mohammed, qui a bien existé, qui était d'origine africaine, car il était d'origine libyenne. Bon, malheureusement, les histoires ont été modifiées. Je ne veux pas créer un scandale auprès de mes frères musulmans que je respecte, car moi-même, je suis musulman. Mon nom, c'est Abdul Razak. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas être ce qu'on appelle des endoctrinés aveuglés. Bref, oui, justement, l'endoctrinement aveuglé a entraîné que les gens acceptent tout ce qu'on leur dit dans la religion, sans pourtant vérifier. Et quand nous, quand je dis, souvenez-vous mes propos du début, que nous, en tant qu'initiés africains, nous ne croyons pas au Dieu décrit, tel que décrit par l'homme blanc, mais nous croyons de manière scientifique. Eh bien, maintenant, je vais vous expliquer cette scientificité. Voilà la scientificité derrière ce que je parle, de nos croyances, de notre, comment dirais-je, de notre position en tant qu'initiés noirs africains, qui, au début de l'histoire, vous le savez, a été toujours. Je parle de l'homme noir, détenteur du véritable savoir et de l'avancement de la grande société et de la marche vers l'élévation de l'homme à la découverte de soi. Nous avons les pyramides, nous avons les mathématiques, la géométrie, toutes ces grandes sciences, les grandes découvertes récentes, les feux rouges et autres, tout ce qui aujourd'hui contribue au développement de l'homme. Ceci d'abord avant le monde contemporain, mais nous partons au Moyen Âge, c'était toujours l'homme qui a prié. Nous partons un peu avant le Moyen Âge. Je vous amène donc à l'époque de l'Atlantide, de ce continent qui avait été détruit, nous connaissons les circonstances. La Bible retrace un petit récit, mais un peu tronqué, truqué, trafiqué malheureusement, car l'authenticité de l'histoire n'a pas valu, n'a pas été retenue au document du Conseil de 325 de notre ère qui se passa à Rome. Donc, la religion. Maintenant, la religion est créée, mais quand la religion s'est créée, c'est quoi? Je vous le répète et je tiens toujours mes propos que la religion n'a rien à voir avec Dieu, l'être suprême, l'intelligence suprême qui est au contrôle de tout, car depuis le début de la création, il est bien écrit même dans le Coran, dans la Bible, un peu partout, il est dit que Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Donc, il lui donna tout pouvoir et que l'homme ayant reçu tout pouvoir, ainsi Dieu lui dit, voici les bénédictions que Dieu donna à l'homme. Tu seras le maître des univers. Tu auras la domination au-dessus de toute espèce. Donc, Dieu lui dit, tu vas être maître des univers. Tu vas avoir la domination sur toute espèce et sur tout ce qui vit. Par conséquent, tu n'as pas besoin de m'adorer parce que tu es un Dieu. Tu es la manifestation expressive de mon existence, puisque je t'ai créé à mon image et tu es ma ressemblance. Et quand on est la ressemblance de papa, moi, je ne sais pas pourquoi on va chercher encore à aller prier. Si ce n'est qu'occasionnellement, lui dit, bah, écoute, il y a tel détail, j'aimerais bien. Mais sinon, cette ressemblance de l'homme à Dieu ne veut pas dire qu'il est l'égal de Dieu. C'est là où il y a la grande confusion religieuse. Mais anyway, juste pour dire que nous, dans notre compréhension scientifico-spirituelle, mystico-spirituelle et scientifique, Dieu, on ne le cherche pas là-bas. Mais que Dieu est ici et maintenant. Vous qui me regardez, y compris moi, nous sommes des particules de Dieu. Parce que je vous dis la vérité scientifique qu'on retrouve dans le Veda Vesta, qu'on retrouve dans le Coran, qu'on retrouve dans les livres sacrés hindous, et même dans le shintoïsme, et même dans le bouddhisme, quand on fait yoga. Yoga en hindou veut dire quoi? Yoga veut dire un avec le tout. Souplesse du corps. Permettre le corps d'être souple afin que l'esprit circule tranquillement. Donc, c'est ce qu'on dit en anglais, this unification of the oneness in all. The oneness in all veut dire que une unité qui fond dans le tout. Un est égal tout. Et c'est ce qu'on dit dans les arts martiaux, que lorsque vous faites le kata, en fait, le kata qui est ce combat imaginaire qui vous permet mille et une techniques, la finalité c'est que par une seule technique, par un seul coup, vous accomplissez ce que vous voulez dans votre cercle de protection et d'évolution et d'expression de votre divinité et de votre être-té. Pardonnez-moi le langage un peu trop philosophique, car ça ne vient pas de moi. En clair, la religion donc a engendré des frustrations. La religion a été utilisée comme moyen de venir coloniser, moyen de venir détruire nos mœurs de certains peuples. Je pense à l'Afrique surtout, qui a été le peuple le plus victime, qui a été plus la victime. Par contre, en Asie, il y a eu une grande résistance, car jusqu'à alors, je vous parle, la Chine n'a pas avancé technologiquement à cause de la religion. La Russie n'a pas avancé à cause de la religion. Ça, je vous informe pour votre information. Mais l'Afrique, malheureusement, nous avons été victimes justement parce que l'homme africain est le seul sur la planète Terre qui est l'homme le plus gentil, qui est l'homme qui manifeste les quatre grandes qualités divines. Là, ce qui va m'amener bien sûr à au deuxième sous-thème qui parle de l'amour, justement. Mais malheureusement, chez l'homme blanc, notre frère blanc, il a pensé que nous sommes lâches, le fait d'avoir été gentils. Et il y a même des nouveaux mots en français qui virent le jour à partir du 12e, à partir du 14e, 15e siècle. Ce mot s'appelle la naïveté, naïf. Donc, ce mot naïf veut dire tout simplement, oui, ben ces mecs-là, ils sont là, c'est des petits maboules, on peut tout faire. Cette naïveté, donc, malheureusement, est rentrée et engrenée dans la conscience collective de la plupart d'Africains. Lesquels Africains ont été imposés, on leur a imposé des croyances étrangères. La religion islamiste est venue par le fouet et l'épée. Bien sûr, nous savons ce qui s'est passé en 682, nous savons ce qui s'est passé dans la zone de Jérusalem. Ce que les musulmans ont fait, les grandes croisades, c'est terrible, le sang partout. Voilà ce que la religion a fait. Mais maintenant, vous pensez que ce sang qui se verse, les énergies qui se dégagent de la part des adorateurs de ces religions-là, forment ce qu'on appelle l'égrégore, forment ce qu'on appelle une entité. Une entité, c'est une énergie qui est dans le monde visible. Mais cette énergie résulte de l'accumulation de toutes les énergies qui se sont dégagées, de tous ceux qui se sont accordés pour suivre cette philosophie-là, qui se sont accordés pour suivre cette marche. Inquisition. Allez-y couper les têtes aux gens. Oui, le leader a déclaré. Donc vous tous, et il y a un rite qui est là, au nom de Jésus, on va faire ceci. Au nom d'Allah, Allah Akbarou, on va poser des bombes, et ainsi de suite. Donc toutes ces énergies qui se dégagent nourrissent, bien sûr, avec efficacité, les grégores. Donc, l'égrégore, c'est ça. C'est pour cela, moi, je dis que les énergies égrégoriques religieuses sont simplement les forces qui, le sang des innocents, les énergies des adeptes qui se sont accordées autour de la religion et les rites qui ont été établis. Pour certains rites, c'est des rites de sacrifice. Pour d'autres rites, c'est des rites d'adoration, des rites de ceci. Donc, toutes ces énergies-là ont créé dans le monde invisible, le monde des reflets, ou encore dans le corps éthérique, donc le corps reflet de la planète Terre, nous avons donc des entités. Et ces entités fonctionnent à partir de la manipulation de l'homme. Mais ce n'est pas n'importe quel homme. Les hommes qu'on appelle des gourous. Les gourous, c'est-à-dire, ce sont les leaders. Chez les religieux catholiques, ben, ils ont choisi un leader qu'ils appellent au nom de Jésus-Christ. Chez les musulmans, c'est Mohammed. D'accord? Bien que Mohammed a demandé qu'on ne l'adore pas du tout. Et Mohamed avait quatre compagnons, et ses compagnons ont établi des rites, et ceci, cela. Bref, chaque religion. Chez les bouddhistes, ben voilà, Gautama, il est là, et ainsi de suite. Bouddha, l'illuminé, ainsi de suite. Bref. Donc, toutes ces personnes qui ont été des mecs précurseurs de la véritable élévation de l'âme, en réalité, et même si vous reprenez encore le message original du Jésus de Balan, qui est en réalité le message original des Horus, tout était basé sur l'amour. Ce qui d'ailleurs faisait en sorte que son frère Seth, qui va découper son corps en plusieurs morceaux, le haïssait. Parce qu'il disait, c'est pas possible, pourquoi ce mec-là, il parle de l'amour, l'amour c'est quoi? Bref, donc, toutes ces religions ont failli à une tâche. C'était la tâche de pouvoir unifier tous les habitants de la Terre. Car si en réalité il y avait cet amour, s'il y avait cette unification entre les peuples, aujourd'hui nous n'assisterons pas à ces massacres-là. Nous n'assisterons pas à la création des prisons, à la perte des mœurs. Nous n'assisterons pas à un extrémisme excessif du racisme, de la haine, de tous les maux qui s'accompagnent par la haine. Alors que, en réalité, tous ces gens qui ont été pris comme un modèle ou qui, soi-disant, les gourous se sont inspirés pour créer leur religion, c'est des mecs qui croyaient à l'amour. Je vous dirai le cas de Bouddha. Il croyait qu'il faut se perdre, il faut fondre dans le tout pour devenir un avec le tout. En d'autres termes, il faut se détacher. Donc, le détachement corps objet. Il faut se détacher. Car si vous êtes trop attaché à la matière, c'est-à-dire l'argent, les biens matériels, les belles voitures, ceci, cela, si vous êtes trop attaché, dans mon langage, je n'ai pas dit que vous ne devez pas avoir un véhicule. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit dans mon langage que vous ne devez pas avoir l'argent. Mais l'attachement, c'est deux choses différentes. S'attacher veut dire, comme on le dit dans le langage grec original, c'est mettre son esprit, son cœur, son âme, ses énergies. On ne dépend trop que de ça. On peut m'attraper des arrêts cardiaques quand on va apprendre que notre belle Mercedes a été butée par un chat qui a été giflé par un voisin. On peut avoir un arrêt cardiaque si on nous apprend que la banque là où on a mis nos millions là a pris un coup, c'est fini. Moi, je vous le dis ouvertement, j'ai mis des investissements dans les. On appelle ça ici en Amérique les stocks, je ne sais pas comment on appelle en français, dans les marchés. J'ai mis des actions, j'ai acheté beaucoup d'actions. Mais savez-vous combien de milliers de dollars j'ai perdu? Ça ne m'a même pas perturbé. Pas du tout. Parce que je savais que il y a ce qu'on appelle des bubbles dans le monde d'investissement des stocks. Et que quand il y a une crise, mais même si vous perdez, mais c'est le bon moment d'acheter d'autres trucs qui coûtaient trop cher. Par exemple, je profitais, le baril du pétrole qui était à 120 dollars avait chuté jusqu'à 12 dollars. Tout récemment, à cause du corona. Je me suis dit, mais tiens, bon, voilà, si j'ai perdu au niveau de telle matière, en dehors de l'or qui reste toujours stable, eh bien, je vais payer maintenant le baril du pétrole à 12 dollars. Imaginez-vous, hein, j'ai payé ça au mois de mars, précisément le 9 mars 2020, j'ai acheté le baril du pétrole était à 12. Savez-vous que maintenant ça approche la quarantaine? Et ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et d'ici 1 an ou 2 ans, ça va remonter à 100. Alors imaginez-vous, votre homme serviteur a acheté à 12 dollars le baril, mais quand ça va être à 100 dollars le baril, vous savez combien de millions vont se retrouver dans mon compte? Donc, c'est pour cela que je n'ai pas du tout paniqué. Je dis, bon, écoutez, si j'ai perdu des milliers de dollars ici, sur ce domaine-là, à cause de Corona, hein, c'est pas grave. Je vais gagner au niveau de la marijuana, le cannabis. Je vais gagner au niveau du baril de pétrole, parce que ça sont les nouveaux investissements que j'ai pris pendant que le marché a chuté sur les marchés internationaux. Bref, donc c'est pour vous dire que la véritable religion, celle que les leaders avaient laissée, Jésus, Mahomet, Bouddha, Mazda, tous ces mecs-là, regardez même le Dalai Lama. Je suis un fidèle abonné à sa chaîne de radio et de télévision, où il fait des séances de méditation et de prières. Mais je vous dis que tous les jours, ce mec ne parle que de l'amour. Il ne parle que de ça. Les gens qui sont autour de lui ont sacrifié leur vie que pour parler de l'amour. Il y a des gens qui prient jour et nuit que pour ça. Ce qui va nous amener donc au deuxième aspect pour clôturer mon live. Retenez une fois de plus afin qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension de ce que je viens de parler de égrégores religieuses. D'accord? Le danger des égrégores religieuses. Ça veut dire quoi? Les religions ont créé, au sein de chaque religion, il y a eu beaucoup de groupes. Mais tous ces groupes qui se greffent, qui croient à une nouvelle philosophie quelconque, dès lors que deux humains, trois, 1 million de personnes s'entendent sous une philosophie quelconque pour soi-disant adorer Dieu, ils créent dans le monde invisible une entité. Parce que egregoria vient du mot antitas. D'accord? Cette entité, c'est un esprit, c'est une grande énergie. Et elle est vivifiante, qui agit selon le code, selon les règlements que la religion a fabriqués. Donc, toutes ces énergies-là sont vivantes et réelles. Alors, je vous parle, la planète Terre en a des milliers de millions, des milliers de millions de ces esprits-là. Les esprits-là, on les appelle les égrégores les énergies égrégoriques religieuses. Il y en a trop. Donc, que faut-il faire? Règle numéro une, c'est ce que je viens vous dire avant de passer maintenant à l'amour. Sortez de Babylone la Grande. Il faut sortir. Oui, il faut sortir. Faites vous-même examen de conscience. La plupart des gens qui me contactent pour me demander des travaux, mais pourtant je leur ai dit non, moi je ne suis pas là pour faire des travaux à distance. Circonstanciel m'aide, je ne vis pas de ça, mon Dieu. Je suis ici pour juste pour vous encourager à vous découvrir vous-même, à l'école de la connaissance de soi. Et une fois vous êtes en possession de ces capacités de découvrir qui vous êtes, la deuxième étape, c'est de pouvoir vous initier. Et quand vous allez entrer dans l'initiation, vous verrez que étape par étape, vous allez maintenant respecter certaines choses. C'est ça, l'objectif de Satan Zabel le Tout-Puissant Kana. D'accord? Donc, retenez que la leçon que vous devez retenir, comment pouvoir neutraliser les énergies égrégoriques religieuses. Le comment, c'est de sortir de ce milieu immédiatement. Prenez conscience, vite, de comprendre que la religion a plutôt contribué au mal qu'au plutôt contribué au mal qu'au bien. Êtes-vous surpris? Pourquoi dans certains pays on interdit, on ferme certaines églises? Et les gens crient au scandale. Souvenez-vous des mots-là que les Blancs nous ont donnés, la naïveté. On se montre trop naïf, on devient émotionnel. On commence à paniquer parce qu'on ferme les églises. Est-ce qu'en réalité, Dieu est là-bas dans ces églises? Est-ce qu'en réalité, Dieu est dans ces temples? La réponse est non. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que ces choses marchent? Mais c'est le phénomène de manipulation psychosomatique. Le phénomène de manipulation. J'ai des enseignements ici. Les manipulations psychologiques sont très fortes, évidentes. Le guerrier, le monsieur qui vient faire passer son message, il est bien entraîné. Eh bien, il fait quoi? Nous, en psychologie, on appelle ça le phénomène de la surexcitation du subconscient. Quand le subconscient d'un individu est surexcité par le conscient de quelqu'un qui est bien entraîné, qui est un pasteur, et d'ailleurs, il y a un programme pour les pasteurs où on vous donne la psychologie. Cette psychologie vous aide à mieux étudier l'homme, comment le manipuler, comment choisir certains versets clés pour l'amener à croire, pour l'amener à se replier et à se reconsidérer et à se renier de qui il était au départ et d'accepter une nouvelle personnalité qui est créée selon le dogme religieux qui est établi pour cet individu afin de sauver son âme soi-disant et l'amener au ciel. Voyez-vous, tout cela, ce sont des rhétoriques. Et ce sont ces rhétoriques-là qui amènent l'éveil de la conscience de l'homme. Pardonnez-moi encore, mes frères religieux, je ne veux offenser personne, mais je suis en train de parler de manière scientifique, juste pour vous expliquer les phénomènes. Et vous serez d'accord avec moi quand nous allons passer au deuxième aspect de mon enseignement ce soir. D'accord? Donc ne soyez pas offensés, s'il vous plaît. Ce n'est pas mon objectif. Il m'est interdit d'offenser les autres. Les religions telles qu'elles sont, si vous n'avez pas la capacité de sortir de ces religions, voilà pourquoi je viens maintenant à la deuxième suggestion. Première religion, première suggestion en temps pour moi. Comment neutraliser les énergies égrégoriques religieuses, c'est de sortir de ce milieu. Vous allez me demander comment sortir, je l'explique. Il y a une vidéo qui est ici intitulée « Comment démissionner ou bien quitter une secte ou une religion immédiatement sans avoir des conséquences. » Car il y en a beaucoup de conséquences quand vous quittez n'importe comment. La vidéo est ici. Moi, j'ai payé. Je parle par une expérience. J'étais témoin de Jéhovah. Et ce n'était pas facile de s'en sortir. Ce n'était pas facile de sortir mes responsabilités de pasteur lorsque je suis devenu dans une autre région américaine ici. Ce n'est pas facile. Car les forces égrégoriques qui sont dégagées dans ces religions-là vont vous créer ce qu'on appelle le schisme. Le schisme, c'est cette séparation brutale qui peut créer des problèmes et de créer des dommages à votre âme. Parce que l'égrégore de cette religion-là, vous connaissez, vous contribuez, vous donnez les contributions, vous donnez les dîmes, vous donnez les offrandes, vous avez rempli des papiers, vous êtes là-bas et vous voulez quitter comme ça. C'est ainsi qu'on a vu des cas de personnes qui deviennent débiles, deviennent de ma boule posée. Ils ne peuvent plus fonctionner sans ce système-là. Donc voilà pourquoi il y a une méthode que je suggère ici, comment sortir d'une secte ou d'une religion. Des méthodes toutes simples. Il faut simplement suivre la vidéo. Deuxième cas, vous êtes incapable de sortir parce que vous êtes émotionnel. Oui, vous avez peur parce que vous êtes convaincu dans votre for intérieur à cause des témoignages qu'on vient vous raconter que quelqu'un aurait vu Jésus. Mais je vous ai dit, le phénomène égrégorique, c'est quoi? À tout état de conscience égal à tout état de vie. Si vous croyez qu'il existe un Jésus blanc avec une barbe blanche, mais vous le verrez, c'est tout à fait normal. Ce sont des phénomènes psychologiques. On appelle ça en parapsychologie la manifestation, comment dirais-je, la manifestation oculaire, mystico-spirituelle de la concentration de votre conscience dans la surexcitation du subconscient de l'individu. C'est ça qui entraîne cette manifestation immédiate. C'est ainsi qu'on explique le cas des miracles. Le miracle s'explique par le fait que vous croyez fermement, selon le livre des chrétiens, dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 et le verset 6. C'est ça la clé que tous les pasteurs, tous les hommes religieux, y compris vous, si vous êtes chrétien là, vous qui fréquentez, ou bien vous avez une Bible, essayez d'appliquer ce que dit Hébreux chapitre 11, le verset 1,6. Vous allez voir des miracles s'accomplir dans votre vie. L'apôtre Paul, le fondateur du christianisme, mais malheureusement qui avait été rattrapé par les empereurs romains, mais il en savait quelque chose. Il en savait quelque chose. Bref, pour ceux qui ne peuvent pas, dans ce cas, faites ce qu'on appelle le syncrétisme. Si vous êtes incapable de sortir de ce milieu parce que vous êtes trop émotionnel, dans ce cas, utilisez le syncrétisme. Voilà les deux alternatives que je vous propose. Sortir immédiatement en suivant le mode d'emploi que je préconise ici dans mon enseignement intitulé « Comment sortir l'image ». Maintenant, deuxième aspect, parce que je veux parler d'un troisième aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? Quand vous rentrez dans ces religions, ou bien quand vous venez pour vous faire initier, vous rentrez dans un milieu quelconque, l'objectif, chercher le pouvoir, n'est-ce pas? Et ça fait beaucoup de bruit là-bas, dans les forums, parce qu'on parle du pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, les gens qui rêvent que lorsqu'on vous initie, là-bas, on va vous donner des cadeaux, on va vous faire ceci, je vous ai dit non. Ce n'est pas le rôle des maîtres invisibles de vous donner des cadeaux, surtout qu'ils savent qui vous êtes. Vous êtes parti à peine là, vous initiez, et vous pensez que, comme un coup de puce comme ça, ils vont vous donner tout. Alors qu'il y a des gens comme votre humble serviteur, ça fait 46 ans que je suis là, il y a même certaines choses que je cherche encore à connaître, et vous êtes venu, vous dites non, maintenant là c'est fini, moi je vais tout recevoir. Donc je vais vous parler un peu de ce phénomène-là du pouvoir. Parce que c'est ça. Les gens cherchent le pouvoir. La plupart des gens qui me contactent, maître, aidez-moi. C'est le pouvoir. Je veux l'argent, c'est le pouvoir. Même la femme, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'un pouvoir pour avoir une femme ou d'avoir un homme. Alors que pendant ce temps, votre homme serviteur les fuit. Vous êtes au courant sur Facebook, j'ai donné des instructions fermes. Je n'accepte plus les demandes d'amitié des femmes. Et j'ai été ferme dessus. Je n'accepte que les hommes. Et là, il y a près de 846 personnes qui attendent, hommes comme femmes. Les hommes qui sont là-dedans que je n'accepte pas, c'est les gens qui viennent sans photo. Je ne veux pas t'accepter comme ami. Tu vois bien ma photo, moi, Marie-Ouvier, je suis là, à découvert. Et toi, tu veux venir ami, tu caches ton visage. Ou bien tu me mets le nom, la photo de ta fille. Ou bien tu me mets la photo d'un chien. Ou bien la photo d'un gorille. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Facebook veut dire quoi en français? Facebook, littéralement, veut dire le livre de visage, en d'autres termes, c'est exposer ton visage. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas. Bref, le pouvoir. Donc, le pouvoir, c'est quoi? Quand on vous initie, quand vous rentrez à l'école de la connaissance de soi, vous cherchez votre pouvoir. Allez-y me vérifier la vidéo que j'ai postée ici. J'ai fait un enseignement dessus, le pouvoir. J'explique ça clairement. Donc, vous avez perdu ce pouvoir, vous avez perdu votre étoile, vous avez perdu votre esprit, votre âme a été caloignée, votre âme a été souillée, votre âme est manipulée par des bandes de voyous qui pourtant vont dans ces religions-là, qui sont manipulées justement par ces égrégores religieux. Ils vous ont fait du mal. La connaissance de soi va vous permettre de pouvoir entrer en possession de votre pouvoir. Voilà ce qu'on appelle le pouvoir. C'est de récupérer ce que vous avez perdu, qui est en réalité une partie de vous-même. Mais en réalité, est-ce que c'est parti? Non. Il n'y a même pas une semaine, j'expliquais cela. Votre étoile, votre âme, est simplement victime de succion. Victime de succion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sucent des énergies. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas éveillé. Parce que vous êtes endormi. Les religieux ne disent-ils pas que à cause du péché, voilà pourquoi l'homme, ses pouvoirs sont limités. Et qu'il n'y a que le pasteur à l'église qui doit avoir ces pouvoirs-là. Mais quand tout le monde va découvrir le secret, pourquoi le pasteur vous fait brouter de l'herbe? Pourquoi le pasteur va toucher les fesses des femmes? Pourquoi le pasteur est le seul qui est capable de prier? Quand tout le monde aura découvert ce secret, est-ce que les gens iront encore à l'église? La réponse est non. Mais voilà pourquoi le même Jésus qu'ils adorent a dit dans Matthieu chapitre 6, du verset 5 jusqu'à 9, il leur a donné un avertissement. Que ne ressemblez pas à ces mecs-là qui aiment crier dans les rues, se faire voir. Toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Chambre, il y en a deux. Un, la vraie chambre, comme la mienne. Vous voyez, la porte, elle est là. Voilà ma porte. Et l'autre chambre, c'est celle qui est à l'intérieur. C'est de ça dont il est question. C'est ce que Jésus a dit. Mais c'est en plus vrai. Là, dès que je vais finir de parler avec vous, je vais rentrer encore dans ma méditation. Je vais pouvoir voyager en esprit. Je vais méditer, méditer. J'essaierai un peu d'écouter les maîtres me parler. Comme ils m'ont parlé hier soir pendant que je méditais. L'affaire du pouvoir là. Mais le pouvoir, c'est votre étoile qui vous intègre. C'est-à-dire que c'est votre âme que vous réactivez. Une fois que vous réactivez cette étoile, c'est-à-dire vous réactivez votre âme. C'est-à-dire, vous rentrez au développement. Mais le développement, c'est quoi? C'est que vous cherchez à retrouver votre divinité parce que Dieu vous a créé à son image. Mais l'image de Dieu là qui est en vous est où? La ressemblance de Dieu, on dit que vous êtes ressemblant de Dieu, mais comment? C'est où? Mais voilà pourquoi on vous parle des initiations. Mais quand vous allez vous initier, vous mangez votre bois sacré, vous rentrez, je ne sais pas dans quelle pratique, et puis là-bas, ceux qui sont dans le monde des possibilités, c'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés dans l'autre monde là, ils vont dire, oh, mais toi aussi, nous on voit clair ici, parce que c'est le monde des possibilités. Vous à terre là, vous êtes aveugle. Tant que vous n'êtes pas un initié, vous êtes aveugle. Donc, là-bas, ils vont te dire, oh, mais regarde, regarde, regarde. Ah bon, oh, mon Dieu, t'es à mon cas, merci beaucoup. Et vous récupérez votre pouvoir. Et quand vous revenez avec votre témoignage, oui, j'ai vu ma chaîne, voilà mon combo, voilà, j'ai vu tel ancêtre, voilà, j'ai récupéré même un sikh. Et puis, vous êtes là tranquille. Maintenant, vous travaillez sur vos qualités. Vous avez récupéré votre pouvoir. Mais, est-ce que, la question fondamentale est la suivante, maintenant que vous avez récupéré le pouvoir, est-ce que ce pouvoir-là fera de vous le pouvoir, ou bien vous voulez posséder ce pouvoir pour avoir le pouvoir. Avoir le pouvoir veut dire quoi? Vous êtes en possession de ça. Maintenant, vous avez le succès. Les femmes gravitent autour de vous parce que votre étoile va commencer à briller. Les membres du gouvernement, mais non, mais monsieur, vraiment, non, non, on a besoin de vous. Oh, vraiment, il faut venir travailler pour nous. Les hommes là-bas, mais monsieur, je vais vous donner un marché. C'est ça, l'étoile brille maintenant parce que c'est ça, l'étoile originale que Dieu vous a donnée. Voilà comment vous allez gaspiller votre pouvoir. Et c'est là où vous commencez à extérioriser votre pouvoir. Pourquoi? Parce que vous tombez au caprice de terrestrialité humaine. Les offres qu'on vous fait, c'est autant des épreuves selon ce que les maîtres sont en train de me dire. C'est qu'une fois votre esprit est éveillé, vous serez exposé à des fortes tentations. Parce que beaucoup voient cette étoile qui brille et les miasmes du bas astral, les esprits qui sont dans l'au-delà, certains parents qui voient que, oh, mais c'est pas possible. Le type là, maintenant, il va découvrir qui nous sommes, il le même machin, et ceux qui sont vivants également. Donc, votre étoile va déranger. Et quand cette étoile dérange, vous êtes exposé aux tentations. Votre âme serviteur vit cela. Depuis que j'ai créé cette affaire des forums et faire mes enseignements, mais mon Dieu, je vous dirais 70% des gens qui me demandent les amitiés là-bas, Facebook, ce sont des femmes. La plupart des gens qui me contactent, ce sont des femmes. Et quand je demande bien, maman, quelle aide tu veux que je te fasse? Oh, mais voilà, mon mari est parti. J'ai dit, maman, il faut prier. Oh non, vraiment, il faut faire quelque chose pour moi. J'ai dit, maman, quelque chose qu'il faut faire, c'est quoi? Moi, je n'ai pas créé l'affaire là pour maintenant faire des miracles aux gens. Je veux prier pour toi alors. Et quand on prie, oh non, l'homme ne revient pas. J'ai dit, oh, mais l'homme là encore, c'est qui? Oh, c'est peut-être vous, papa. J'ai dit, mais franchement, imaginez-vous que si toutes ces femmes-là, je vous dis, j'ai près de 7 015 personnes à travers le monde, en dehors de Facebook, en dehors de Twitter, en dehors de ceci, cela. Il y en a 7 015 contacts. Et la majorité sont des femmes. Maintenant, imaginez-vous, le pouvoir que Teta Mwanga a réactivé en moi, comment je vais le perdre? Je vais commencer donc, ah oui, on m'a fait une proposition en Allemagne, là, où je serai en train de faire des animations radio là-bas, mais voilà, je me réveille, on m'envoie les billets d'avion. Oh oui, on vous a invité, vous allez recevoir 1 million pour... Oh, j'accepte. Et c'est comme ça que vous perdez votre pouvoir. Car le pouvoir qui est en vous n'est pas là pour être exploité comme ça. Ce pouvoir qui est en vous, au contraire, vous permet de développer les qualités divines. La patience, l'amour, la justice, la paix, le respect de soi. Ne pas toucher les femmes des autres. Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. C'est ces bases-là qui, malheureusement, beaucoup le perdent. Beaucoup de femmes, je vous dis même les femmes qui ont les moyens, jeunes comme vieilles, qui courent derrière votre humble serviteur. Je ne vous cache pas. Ceux qui sont avec moi sur Facebook, allez-y, regardez le message là. Je ne fais qu'envoyer les messages tous les jours. J'ai dit non, je ne veux pas des amis qui ne. Vous pensez que. Jour et nuit, je les vois même un vieil malornier, un vampire. Mais parce que. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'elles voient le pouvoir. Le pouvoir, cette lumière divine qui se manifeste. Moi-même, peut-être, je ne suis pas conscient. Vous-même, vous n'êtes peut-être pas conscient. Et je suis dans la chasteté. Je me prive du sexe. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas remarqué ça. Vous vous privez du sexe, vous vivez chaste. Vous observez les principes, les commandements même de l'Église, là. Vous verrez les choses. Le diable va vous exposer aux tentations. Donc, ne confondons pas être le pouvoir et avoir le pouvoir. Vous êtes le pouvoir dès lors que, après votre initiation, vous rentrez en possession de ce pouvoir. Maintenant, vous apprenez à maîtriser la vie. Apprenez à maîtriser vos pulsions. Apprenez à maîtriser les traits humains, c'est-à-dire que les tentations qui viennent de gauche et à droite, il faut maintenant les maîtriser. Les femmes qui vont venir, ou bien les hommes qui vont commencer à dire, oh maman, tu brilles, mais toi, tu brilles, mais mon gars, c'est lui qui me fait briller. Comme je tiens à féliciter le jeune don, comment, Yann, je tiens à le féliciter. Il a fait un message très important. La pauvre femme brille parce que son gars prend soin de lui, mais toi, tu viens là-bas, tu dis non, moi, je veux de toi parce que tu es trop belle. Ah bon, c'est toi qui m'as rendu belle? Donc, voilà autant de choses dont vous serez victime. Et si vous osez céder à ces demandes, si vous osez céder aux tentations des postes, de ceci ou des moyens, de l'argent qu'on vous donne, parce que vous brillez maintenant, vous allez maintenant à Pierre Cardin, des habits qui coûtent cher, des machins, pas que des cabanes et quoi, je ne sais pas quel nom là. Voilà maintenant avec les parfums les plus chers du monde. Vous êtes en train de détruire votre pouvoir. Gardez ce pouvoir. Soyez humble. Tout viendra vers vous naturellement. Voyez-vous? Soyez le pouvoir, mais n'ayez pas le pouvoir. Restez ce pouvoir, mais ne l'utilisez pas pour le gaspiller. Avant de passer maintenant au troisième point, qui est le dernier, je partage avec vous un témoignage. Une personne que j'aime bien. Une personne qui est dans ma vie. A été victime d'attaques par certaines personnes. Et je sais qu'elles sont en train de me regarder. Il y a eu trop de choses. On m'a traité de menteur, on m'a traité de ceci. On a insulté la pauvre. Mais savez-vous ce matin, cette dernière avait juré qu'elle ne pourra jamais accorder le pardon à ces personnes-là qui l'ont tant humilié dans sa vie. Elle a dit niet. Ses propres parents lui ont parlé, elle a dit niet. Mais aujourd'hui, les génies m'ont dit de lui parler. J'ai dit, maman, s'il te plaît, pardonne. Oh, je ne peux pas, c'est pas possible. J'ai dit, laisse, pardonne-moi. Elle a pris son courage. Elle est allée pardonner ces individus. Et ces personnes-là, qui étaient bloqués dans leur vie, la vie commençait à devenir calboignée, beaucoup de malheurs qui leur arrivaient. Dès que cette dernière a prononcé le mot pardon, tel que je l'ai instruite à le dire, même pas 15 minutes, cette personne-là était incapable de payer le loyer, était incapable de s'occuper de certains de leurs besoins. Je vous dis qu'après que cette personne se tient à cœur, est allée leur dire, je vous pardonne. Automatiquement, les sous venaient à gauche, à droite, les gens qui couraient maintenant vers ces personnes. Et c'est ainsi qu'elles ont pu résoudre les problèmes de leur vie, où elles étaient bloquées pendant des mois, pour le fait d'avoir offensé cette personne que je porte. C'est un témoignage authentique. Sûrement, les personnes me suivent. Pourquoi ceci arrive? C'est parce que je suis le pouvoir. Si je me serais emporté dans la colère pour dire, mais tiens, cette personne qui m'a offensé, me traitait tous les noms d'oiseaux, de menteur, traitant cette personne de ceci et cela, niet, c'est moi qui allais me faire du mal. Mais quand je l'ai fait, ça ne veut pas dire que je suis lâche. J'ai expliqué ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai expliqué à la personne que, en le faisant, ça ne veut pas dire que tu es lâche. Au contraire, les génies, les entités dans l'au-delà applaudissent. Et c'est toi qui gagnes. Parce que ces personnes-là viendront toujours se plier. Et ces personnes iront faire le témoignage. Je lui ai dit ça. Elles iront témoigner. Et si, qui sait, d'ici quelques temps, quand je serai au Gabon, peut-être que ce sont ces personnes qui m'ont amené maintenant des clients. Oh, maintenant le monsieur là. Oh, voilà. Allez-y, il va prier pour vous, il va faire ceci. Voyez-vous? Soyez ce pouvoir, mais n'utilisez pas le pouvoir que vous avez pour faire du mal. N'utilisez pas le pouvoir que vous avez pour vendre votre âme au diable. C'est-à-dire accepter aux tentations du sexe, des hommes qui vous proposent, des femmes qui vous proposent, qui vous tentent, l'argent qu'on vous propose. C'est ainsi que votre pouvoir s'en va. L'amour. Nous passons notre temps à chercher les choses matérielles de ce monde. Nous passons notre temps à chercher à faire plaisir. Nous passons notre temps qu'à chercher des choses avides. Je vous parle en tant qu'initié. Je connais beaucoup d'initiés à Libreville. Des grands maîtres, ils vous visionnent là, mais non, vous dites, c'est pas possible, le gars est fort. Mais allez-y voir leur vie privée. Ils vivent vraiment comme des malheureux. Parce qu'ils ont près de 12 gosses, 15 gosses. Et comment ils ont fait pour avoir ces enfants-là? Mais ils les faisaient avec les bandits, les malades qui venaient, qui étaient incapables de payer, ou bien ils les charment, ou ils font quoi? Ils utilisent le pouvoir. Deux fois eux-mêmes ne maîtrisent pas cela. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le gars a vraiment le pouvoir. Au lieu de maîtriser ce pouvoir, il déborde. Il dit, oh, yo, maintenant j'ai le pouvoir. Mais c'est pas possible. Les femmes ne résistent plus. Allez, maman, viens ici, là. Les femmes tremblent. Mais voilà comment vous détruisez votre pouvoir. Tétamouanga, l'être suprême, ne va pas arracher le don de guérison que vous avez. Mais il va vous rendre malheureux. Les entités, là, vont être avec vous. Mais vous serez quand même malheureux. Pourquoi? Regardez. 12 gosses, 15 gosses. Vous trouvez ça normal? Vous allez vous occuper des enfants là comment? Voilà les enfants qui vont graviter à gauche, à droite. Et ces femmes-là. Donc, gardez le pouvoir que Tétamouanga vous a donné pour faire uniquement le bien, rien que le bien. L'amour. On ne prie pas pourquoi? Pour l'amour. À partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, avant de dormir, au réveil le matin, fermez vos yeux. Asseyez-vous. Pensez au mot amour. Pensez seulement au mot amour. Cet amour, c'est quoi? Pensez à tout ce qui se passe autour de vous d'abord, au sein de votre propre famille. Quel est votre comportement vis-à-vis de votre sœur, de votre père, de votre mère? Qui avez-vous offensé? Commencez à travailler cet amour. Commencez à produire l'énergie, les graines d'amour au sein de votre propre famille. Mais ce grand amour pour votre famille, si vous avez offensé quelqu'un, je l'avais dit quelque part, vous n'êtes pas lâche. Prenez le courage au lieu d'avoir l'orgueil. Prenez le courage de dire à la personne, je m'excuse, j'ai vraiment fait quelque chose de mauvais. Sinon, votre vie va être bloquée et votre relation ne va jamais s'améliorer. Là, je parle de relation soit la famille, relation soit monsieur et madame. Si monsieur, vous avez injurié la dame, qu'elle est offensée, ou bien madame, vous avez injurié le monsieur, jusqu'à aller prendre, parler en mal de ses enfants, ou bien quoi. Parce qu'il y a deux choses dans la vie qu'il ne faut pas faire sur quelqu'un. Parler de l'esprit, c'est-à-dire parler de la spiritualité de votre femme ou de votre mari, et parler des enfants de votre femme ou des enfants de votre mari. Moi, personnellement, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Si tu viens parler en mal de mes enfants, les traiter de tous les noms d'oiseaux, même si j'avais le plus grand amour pour toi, tant que tu ne te confesses pas, te mettre à genoux, demander pardon, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et je crois que même pour cette raison-là, c'est fini, le divorce est prononcé. Parce que deux choses dans ma vie, il ne faut pas jouer avec mes enfants et il ne faut pas jouer avec ma spiritualité. Parce que tu ne connais pas les entités que je porte. Tu ne connais pas les entités qui travaillent avec moi. Tu ne connais pas les 47 génies de mes ancêtres qui travaillent avec moi. Tu ne connais pas les génies blancs qui travaillent pour moi. Surtout depuis que je suis aux États-Unis, là. Il y a un grand génie blanc qui est avec moi. Il y a certains qui l'ont rêvé, il y a certains qui l'ont vu. Parmi des centaines, hein, il y en a des centaines, sans oublier ceux de l'Inde, qui sont là. mais il y a un qui est originaire d'ici là, un blanc. Voyez-vous? Et vous parlez en mal de ma spiritualité? Savez-vous ce qu'il peut faire pour vous, contre vous? Ou bien savez-vous ce que ces génies-là vont faire en retour? Mes enfants, ces enfants-là viennent de mon milieu ancestral. C'est ma semence qui est sortie de moi. C'est que quand vous parlez d'eux, je sens, oh mon Dieu, c'est comme si vous m'avez frappé fort dans mon... Je sens l'échine qui bouge. Je sens les entrailles qui bougent. Si j'étais faible, je peux même prendre le couteau ou l'arme ou bien un coup de poing et te le frapper très fort. Parce que deux choses. Parler de ma spiritualité, parler de mes enfants. Ça, là, je n'accepterai jamais. Ouais. Parce que je suis un initié et je sais de quoi je parle. Je connais la valeur des enfants. Quand je vois ces enfants-là, je sais là où ils viennent. Et je sais ce qu'ils parlent dans leur cœur. L'amour. L'amour consiste pour vous de vivre dans l'honnêteté. L'amour. Donc, commencez à travailler d'abord dans votre propre cercle immédiat. Ensuite, à minuit, 00, pensez, vous êtes au Gabon, vous êtes en France, vous êtes ici aux États-Unis, vous êtes, asseyez-vous en position normale, votre colonne vertébrale bien droite, d'accord? Si possible, vous pouvez allumer une bougie, si vous êtes confortable d'avoir une bougie. Ceux qui sont au Gabon, pouvez allumer votre torche indigène, d'accord? Et élevez votre esprit, pensez à Dieu, pensez à vos ancêtres, si vous êtes initié de Bouété. Vous pensez aux ancêtres, vous élevez et vous demandez aux ancêtres de regarder un peu le Gabon. Vous demandez à l'esprit universel. Vous imaginez une lumière blanche qui inonde votre pays. Nous, à mon niveau, je ne le fais pas sur le pays. Moi, je le fais sur toute la planète, sur tout le globe. Mais à votre niveau, commencez d'abord par votre propre pays. Je prendrai le cas du Gabon. Il y a des divisions politiques. Tantôt, on est dirigé par je ne sais trop qui. Tantôt, oh non, c'est des guéguerres. Donc, maintenant, à un moment donné, si vous voulez que les choses se calment dans votre pays, si vous voulez que l'amour transforme les cœurs des gens, oui, M. Moréon, vous le dites. C'est ce que les pauvres moines du Tibet font chaque jour. Les moines de l'Inde, les moines de la Chine, jour et nuit, c'est ce qu'ils font. Ils ne sont pas en train de crier au nom de Jésus, c'est cela. Au lieu de crier au nom de Jésus, de parler de Jésus des finances, de Jésus des mariages, de Jésus de je ne sais de quoi. Entre-temps, même Jésus que vous priez pour les mariages sont toujours calomniés, les maris sont toujours infidèles, les femmes ont toujours des copains, parce que l'homme, ou ceci, c'est là où les hommes ont toujours des copines. Vous devez prier pour cet amour universel qui doit inonder les cœurs de tous les Gabonais. Faites-le s'il vous plaît. Même si vous êtes seulement 10 personnes, ce n'est pas grave. Si vous êtes 50 personnes, tant mieux. Si vous êtes 1000 personnes, commencez à éjecter les lumières de l'amour, une lumière blanche. Vous vous imaginez, vous qui êtes chrétien, imaginez votre Jésus en train d'étendre ses mains sur le Gabon. Pour vous, ceux qui sont catholiques, imaginez-vous la Vierge Marie, Ave Maria, étendre sa lumière sur le Gabon. Je vous dis, faites-le. Et ça marche. Vous verrez qu'il y aura des calamités, il y aura un calme. Les choses vont s'améliorer. Évitez d'avoir des rancunes. Ça ne vous amènera nulle part. Je sais, du côté politique, j'ai été traité de tous les noms d'oiseaux parce que j'ai suggéré cela. Mais vous verrez, depuis 4 ans, là, c'est la même chose, non? Oh, les gens s'insultent les pieds d'oiseaux. Oh, tu es ceci, oh, sosie, oh, mort-vivant. Tout ce qu'on raconte, ça a mené le Gabon où? Bref, maintenant, ceux qui sont à mon niveau, vous, concentrez-vous. Imaginez toute la planète Terre sous vos pieds. Une grosse boule, tout comme le montre dans le livre bleu. Imaginez-vous le livre bleu. Là, on vous montre comment faire partir l'énergie depuis Keter jusqu'à Malkout. Revisez ce schéma-là. Vous le revisez et vous mémorisez ce schéma. Donc, vous vous imaginez, vous vous mettez debout et vous voyez la planète Terre sous vos pieds. Visualisez la lumière venant de Keter, pas de vous. Vous visualisez la lumière qui vient de Keter, donc depuis l'essence de toute existentialité, qui passe par vous et descend par vos pieds et aller vers la terre. Et dites l'amour. Je ne veux que l'amour. Lumière de l'amour. Lumière de l'amour sur toute la planète Terre. Donc ça s'appelle la prière de l'amour. Priez pour l'amour sur toute la terre. Priez pour répandre la lumière de l'amour. Et maintenant, ceux qui sont chrétiens et qui ont la Bible, prenez-moi le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 9. Répétez et lisez ce chapitre-là chaque matin quand vous vous réveillez, chaque soir avant de dormir, surtout à minuit si vous pouvez. Lisez ce verset à haute voix. Ça doit devenir votre mantra. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Cette parole était Dieu. Cette parole est Dieu. Cette parole vint. Cette parole se transforma. Cette parole devint lumière. Et lumière qui vint sur terre. Et cette lumière de tout ce qui était dans les ténèbres fuit. Que parce que la lumière de l'amour, cette lumière de l'amour, par amour, c'est tout. Voilà. Lisez ce verset. Les maçons lisent le même chapitre là. Vous savez que les maçons ont une version de la Bible, non? Les catholiques, c'est le même livre. Les bouddhistes, ils ont leur version de ça. Si vous voulez vraiment un peu d'amour qui doit commencer à germer dans les cœurs des hommes, au lieu que les hommes se pensent, se tracassent beaucoup plus pour des pouvoirs ignobles, des pouvoirs juste passagers, eh bien, le véritable pouvoir de Dieu, qui en fait se manifeste sous quatre grandes dimensions. Paix, parce que vous aurez cette paix intérieure. Et dès lors que vous allez commencer à avoir cette paix intérieure, la violence ne va plus être une habitude pour vous. Vous pouvez hausser la voix, mais vous n'aurez plus tendance à être violent. Justice. Vous verrez les choses maintenant de manière juste. Car l'injustice va être quelque chose que vous allez haïr dans votre vie. Puissance. Mais la puissance, c'est quoi justement? Parce que votre présence va faire trembler les mauvais esprits. Votre présence va faire pleurer ceux qui sont dans le besoin. Votre présence va attirer tous ceux qui veulent le bien. Votre présence va toujours attirer les génies de la lumière, va attirer ce qu'on appelle les anges du bien, va attirer les archanges, votre lumière, à cause de la puissance qui est en vous, à cause du pouvoir qui est en vous. Et enfin, l'amour. Partout vous passerez, partout vous allez passer, les gens vont toujours vous aimer. Même vos ennemis. Hein. Et rassurez-vous, de quelle façon l'ennemi vous aime? C'est en beaucoup parlant de vous. C'est comme ça l'ennemi vous aime. Mais ils ne le savent pas. Quand quelqu'un qui ne vous aime, pas, parle toujours en mal de vous, toujours en train de parler, c'est qu'en réalité, il est ignorant ou bien elle est ignorante. En fait, elle est en train de vous manifester son amour. Mais sauf que ça passe de manière très brutale. Malheureusement. Donc vous comprenez? Voilà la manifestation de Dieu sur vous. Par ces quatre principes. Amour, justice, puissance et paix. S'il vous plaît, faites l'effort à partir d'aujourd'hui. Le matin dès que vous vous réveillez, avant de faire quoi que ce soit, après avoir fait votre prière ou votre méditation, pensez à cette lumière d'amour. Vous pouvez même penser au président. Mettez la lumière dans sa tête. Bon, pour le cas du Gabon, c'est compliqué. Mais pour d'autres, vous connaissez votre président. Mettez cette lumière dans la tête. De tout ce que vous aimez, de vos ennemis, mettez la lumière en eux. Je ne peux pas vous parler de quelque chose que je ne connais pas. Je pratique ça depuis 1979. Ça a toujours marché. Ça marche. Que Tete Mwanga vous bénisse. Retenez aujourd'hui ceci. Pour pouvoir neutraliser les énergies égrégoriques religieuses, vous avez deux choses à faire. Sortez, s'il vous plaît. Sinon, vous serez responsable de la mort de plusieurs personnes. Ces égrégores ont le sang des innocents. Ces égrégores ont les énergies que vous vous avez données. Mais attention, appliquez la règle d'or. Comment sortir d'une secte ou d'une religion? Car la loi du schisme, de cette cassure brutale de votre âme d'avec cette entité, peut vous créer des problèmes. J'en sais quelque chose, car beaucoup qui sortent de là, quand je te témoigne, j'ai vu des frères mourir, devenir des fornicateurs, des alcooliques, parce qu'il y a eu une cassure brutale. Il n'y a pas eu la procédure à suivre telle que les génies me l'ont montré. Et la vidéo est disponible, s'il vous plaît. Deuxième, pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont complètement calboignés, qui sont trop émotionnels, ils ne peuvent pas fonctionner sans ce Jésus-là. À ceux-là, je dis ceci. Utilisez le syncrétisme. Tout ce qui est ici, si ça ne vous convient pas, rejetez. Mais si vous pensez que parmi mes enseignements, dans ce que je dis ici, ce que je diffuse, s'il y a certaines choses qui vous plaisent, prenez ce qui est bon, rejetez ce qui ne vous plaît pas. Si le mot sorcellerie vous fait trembler, retenez ceci. Sorcellerie, c'est synonyme de magie. Ça veut dire simplement l'apprentissage, la mise en application des connaissances naturelles et surnaturelles pour le bien, rien que le bien et la guérison du peuple. Cette guérison est à la fois spirituelle et physique. Parce que quand on est malade, la maladie vient de l'esprit avant d'être physique. Nous, dans le yoga et le tai chi, on nous dit que la maladie résulte du blocage et du manque de la circulation de l'énergie chi dans votre corps. Donc, il faut le bouger. Chaque matin, il faut faire ce mouvement, il faut bouger. Et voilà pourquoi le yoga. Yoga, dit un avec le tout. J'en ai terminé. Que Tetamanga vous bénisse. Waouh, c'est une surprise, hein? Au moins 50 personnes sont venues me regarder à l'heure tardive comme ça, là. C'est souvent rare. Bonne nuit à tous. Et si Tetamanga, l'être suprême, le voudra, demain, je vous donnerai encore un autre enseignement. Telle est sa volonté. Et puis voilà. Je vous remercie donc d'avoir donc suivi ces quelques moments avec moi ici. Et oh là là, je n'ai pas voulu répondre aux questions parce que je n'ai invité personne, mais je vois des gens qui posent des questions aussi. Je veux quand même répondre. Est-ce vrai que rêver de manger est très mauvais? Avant tout, je... Oh, qui vous a dit ça, mon Dieu? Non, laissez-moi ça. Faut pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la superstition. Ok? Ne soyez pas superstitieux. D'accord? Qui vous a dit que rêver, que manger encore rêve, machin, c'est mauvais? Ça n'a rien à voir. Ça peut avoir plusieurs mille et une explications. Je vous en prie, merci beaucoup. Soyez tous bénis et bonne nuit. Chez moi, il est bientôt 22 h et... Waouh, au Gabon, il est bientôt 2 h du matin. Pardonnez-moi de vous avoir gardé debout jusqu'à 1 h avancée. Mais c'est pas moi, hein. Moi, c'est pour cela que je n'ai pas voulu. 60%. Je n'ai pas voulu inviter quelqu'un BlackBerry BB100. parce que je savais qu'il s'est fait tard. Merci bien, nous allons donc clôturer par cette belle musique de chez nous. Merci beaucoup. Thank you. Choses à vous. Bonne journée pour ceux qui vont se réveiller tout à l'heure. Bonne soirée pour ceux qui sont encore réveillés avec moi ici. Que Tétamonga vous bénisse. Merci encore de m'avoir suivi. Merci, merci, merci pour votre fidélité car je voulais n'inviter personne, mais il y a eu au moins une cinquantaine de personnes qui ont été réveillées avec moi pour suivre ce sujet aussi important. Merci beaucoup. Merci, merci bien. Merci.